les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Comme parfois cela arrive, le héros, l'un des héros, annonce qu'il veut renoncer à l'aventure. Mais renoncer à l'aventure, quand on vit dans la fiction, dans un certain type de fiction, cela est impossible, surtout si l'on est le complice de Tintin et de ses aventures. Voici donc les aventures de Tintin, l'affaire Tournesol, en 24 épisodes. Le feuilleton. Et, petit parfum charmant des années 60, en fin de chaque épisode, le courrier des auditeurs. Qui sait, peut-être entendrez-vous citer les prénoms et noms de vos ancêtres. Ils écrivaient à Tintin RTF, 107 rue de Grenelle, Paris 7e. On les remerciait pour leur dessin de Milou, on leur promettait un autre dessin signé Hergé. Sans doute une reproduction, ne cherchez pas un original hors de prix dans les affaires de vos ancêtres en question. On leur donnait aussi une amicale poignée de main. Quel est l'âge du capitaine? Quel est le numéro de téléphone de la gendarmerie, du château et de la boucherie sans eau à Moulinsart? Voici les quatre premiers épisodes de l'affaire Tournesol, diffusés pour la première fois sur France 2 régionale, les 4, 7, 9 et 11 mars 1961. La radiodiffusion télévision française présente... Les aventures de Tintin... D'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. L'affaire Tournesol, premier épisode. Ce soir commence une nouvelle aventure de Tintin, l'affaire Tournesol. Vous y retrouverez tous vos amis, mais vous y ferez aussi la connaissance de nouveaux personnages. Certains vous feront rire, comme Séraphin Lampion. D'autres, à mine forcément louche, dresseront des embuscades, tendront des pièges, commettront des attentats. Cela, vous les découvrirez au fil des épisodes. Pour l'instant, nous nous contenterons de les classer dans la catégorie des méchants, sans faire de personnalité. Mais je parle et les secondes passent. Alors, place à l'action. Le début du premier épisode de l'affaire Tournesol se situe à l'intérieur du château de Moulinsart, propriété du capitaine Haddock, vous vous en souvenez. C'est la fin d'une chaude après-midi d'été. Nestor, le valet de chambre, promène un plumeau négligent sur les meubles du salon. Ah, qu'est-ce encore ? Allô ? Pardon ? Oh, mais non, madame, ce n'est pas la boucherie sans eau. Mais non, madame, vous faites erreur. Ici, c'est le 421 et non le 431. Mais il n'y a pas de quoi, madame. Oh, c'est inouï, ça. On a au moins la dixième fois qu'on se trompe de numéro. C'est agaçant, à la fin. Oh, encore. Allô, non, madame, ce n'est pas la boucherie sans eau. Je... Comment? Oh, pardon, le capitaine Haddock. Ah non, pas pour le moment. Comment? Ah, il est en promenade, madame. Oui, il est en promenade. Oh, il ne doit pas tarder, madame. Je vous en prie. À vos ordres, madame. Au revoir, madame. Et le brave Nestor retourne à son époustage. Nous, si vous le voulez bien, nous irons dans la campagne, au devant du capitaine. Tenez, le voilà, accompagné de Tintin et de Milou. Ah, le vieux loup de mer a délaissé sa tenue célèbre pour endosser un costume sport de très bon goût, ma foi. Pantalon gris, veste couleur feuille morte, s'ouvrant sur un gilet jaune quadrillé, chemise blanche, cravate du même vert vif que le ruban du chapeau, celui-ci apparemment neuf, tirant plutôt sur le vert olive. Ceci dit pour les auditeurs qui auraient des soucis d'élégance. Non, non, fiston. Désormais, je me contenterai de cette promenade quotidienne. Les voyages, les aventures, les galopades autour du monde, c'est fini. J'en ai assez. Oh, vous dites ça, capitaine, mais je suis bien sûr que... Non. Cette fois, c'est très sérieux. Vraiment? Vraiment. Tout ce que je désire à présent, moi, c'est le calme, le repos, le silence. Oh, vous avez peut-être raison. Tenez, regardez. N'est-ce pas reposant, ce paysage de prairies, ces bocteaux, ces champs de blé? Hein? Oh, je ne dis pas. Et ce silence? Ah, vous l'entendez, ce silence? Oui, oui, c'en est même impressionnant. Oui, dites-moi, en fait, silence, je crois que nous allons être servis. Regardez ces gros nuages qui accourent de l'horizon. Ah, il est temps d'entrer au château. Oui. Oh, tu as raison, Milou. Vite, vite. Allez, capitaine. Un, deux, un, deux, un, deux. Oh, mon chapeau. Le vent l'emporte. Et il roule dans la prairie. Vite. Milou, laisse-le. Milou. A-t-il fini de jouer avec ça, Milou? Oh, le chenapan. Inutile de courir, capitaine. Milou vous le rapporte. Oh, tonnerre de Brest. Regardez dans quel état il me l'a mis. Mais enfin, tu n'as pas honte, Milou? Un beau chapeau neuf. Maintenant, il est tout juste bon à faire pondre les poules. Oh. Milou, enfin! Vandale, sacrilège, coquin! Ça y est, la pluie, il manquait plus que ça. Heureusement que nous sommes plus très loin du château. Oui, mais c'est le déluge, fiston. En avant! En avant! À grande foulée, nos deux amis se dirigent vers le château. Milou les précède de quelques mètres et bientôt, les trois coureurs franchissent la grille du parc. Voici l'allée d'honneur. Maintenant, il pleut des hallebardes et l'orage est juste au-dessus de Moulinsart. Ah, le brave Nestor! Il a eu l'idée de venir à notre rencontre avec un parapluie. Chic, chic. Oui, mais au point où nous en sommes maintenant? Oh, monsieur, quel orage! J'ai pensé bien faire. Merci, mon ami, merci. Si monsieur veut bien. Oh mon Dieu, le parapluie! Eh oui, il s'est retourné. Oh, quel vent, mille sabords! Désolé. En avant pour le sprint final. Ils sont déjà trempés comme des sous. Et maintenant, c'est ce pauvre Nestor qui risque de gâter son beau gilet rayé jaune et noir. Enfin, heureusement, ils sont presque arrivés au pied du perron. Plus que quelques foulées, ils seront à l'abri. À l'abri de la pluie. Oui, pour le reste, c'est moins sûr. En effet, deux hommes dissimulés derrière les arbres du parc suivent nos amis du regard. Le plus éloigné est vêtu d'une gabardine et d'un chapeau couleur mastic. Le second, tout près de nous, semble épier à la fois les coureurs et l'homme en gabardine. Il est coiffé d'un chapeau vert et porte un imperméable gris ardoise. Le peu que nous voyons de sa nuque est rasé. Qui sont ces deux hommes et que veulent-ils aux hôtes du château? Nous le saurons peut-être bientôt. En attendant, rejoignons ceux-ci. Ils viennent de pénétrer dans le salon. Oh, quel temps! Eh bien, je suis bon à passer à l'essoreuse, moi. Oui, il y a longtemps que je n'avais pas vu un orage pareil. Le téléphone, Nestor. J'entends, monsieur. Voilà, monsieur. Allô? Allô? Comment? Mais non, madame, je n'ai pas la boucherie sans eau. Non, madame! Non, madame! Flûte, madame! Oh! Flûte! C'est au moins la 20e fois aujourd'hui possible, Nestor. Mais il faut toujours rester poli, surtout avec une dame. Oui, monsieur. Et puis, Nestor, sachez qu'il ne faut jamais téléphoner pendant un orage. C'est extrêmement dangereux. Bien, monsieur. Vous pouvez disposer, Nestor. Vous allumerez en partant. J'allume parfaitement, monsieur. Et maintenant, mon cher Tintin, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vais prendre un sérieux whisky. Si le cœur vous en dit. Oh, ben. Alors, un tout petit peu, après cette douche forcée. À la bonne heure. Hé là, et doucement, capitaine, c'est assez pour moi, assez. Ça vous réchauffera. Oh, vous avez vu cet éclair? Oui, c'est de l'électricité gâchée, hein. Oh, tonnerre de Brest, la foudre n'a pas dû tomber loin d'ici. Peut-être même dans le parc. Tonnerre! Mais regardez! Toutes les vitres sont brisées. Ah, ça, par exemple. Ah, oui, mais ce qui est le plus étonnant, c'est qu'elles ont volé en éclats après le coup de tonnerre. Ah, vous avez raison. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, capitaine, je ne sais pas. Oh, encore? Allô? Comment? Des côtelettes? Ces côtelettes? Mais je... Qui? Non, madame, ce n'est pas la boucherie sans eau, mille sabords. Et de plus, vous devriez savoir qu'il est dangereux de téléphoner pendant un orage. Parfaitement, madame. Comment si j'en suis sûr? Capitaine! Capitaine, mais c'est affreux, il n'y a plus que ses chaussures près du téléphone. Il s'est volatilisé, le malheureux, mais c'est épouvantable. Capitaine, où êtes-vous? Ici, 1 000 000 000 de savants, dans le luffe. Mais qu'est-ce que vous faites là-haut? Ben, vous ne voyez pas, je fais du hamac. Ouais, vous ne voulez pas blesser, au moins? Non, je ne crois pas. Attendez, je vais approcher une chaise, comme ça vous allez pouvoir descendre. Oh, 1 000 000 000 de mille tonnerres, je vous ai senti projeté en l'air par une force irrésistible. Ah, c'était la foudre, là, doucement. Allez, tenez-moi la main. Merci. Et je suis retombé au milieu de mon beau lustre. Je crois qu'il aura besoin d'une révision, votre beau lustre. Là! Oh! Oh! Oh! Oui! mes reins. Tenez, asseyez-vous là, capitaine. Oh, si jamais je tenais la péronnelle qui m'a téléphoné, je vous assure que je lui dirais de... Hein? Oh! Tonnerre de Brest! Mon beau vase de Chine. Ça alors? Mais comment diable a-t-il pu se briser? Car enfin, ce n'est pas la foudre. Non, c'est impossible cette fois-ci, mais je n'y comprends rien, capitaine. Encore? Oh! Mon beau miroir florentin à présent. Oh, mais cette fois j'ai compris. C'est votre satané Milou qui a fait ce beau travail. Mais enfin, capitaine, réfléchissez, c'est impossible. Comment voulez-vous que Milou... Mille milliards de mille sabords. Plus de lumière. La foudre a dû tomber sur un poteau. Ah, il manquait plus que ça. On verra mieux les éclairs. Oui, eh bien, admirez les éclairs si vous voulez. Moi, je vais dire à Nestor d'apporter une chandelle. Vous entendez? Ben, tonnerre de Brest, bien sûr que j'entends. Et je me demande qui peut venir frapper à Moulinsart par un temps pareil. Décidément, il se passe des choses curieuses aujourd'hui. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jackie Ling, le capitaine Haddock, Orvir le jeu, Nestor et Milou. Chef opérateur du son, Jean Jusfort, bruitage et effet sonore, Joé Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante de production, Josiane Clem, réalisation, René Villemet. Jeunes amis de Tintin, bonsoir. Il nous reste quelques dizaines de secondes. Nous les mettrons à profit pour vous rappeler que nous enregistrons toujours vos demandes concernant le dessin original d'Hergé. Ce dessin vous sera adressé personnellement et pour lui donner encore plus de valeur, nous le ferons numéroter. Si nous n'accusons pas toujours réception de vos demandes de dessin, ne vous inquiétez pas, elles sont ponctuellement enregistrées. Ainsi, celle de Michel Valette que nous remercions très vivement pour son dessin. Nous le transmettrons à Tintin. Remerciements aussi à David Gacrelitz de Montpellier qui nous dit son contentement de pouvoir suivre le feuilleton et nous félicite d'ajouter des phrases au texte original. Une précision à ce jeune auditeur, le sceptre de Tokar a été diffusé l'année dernière. Quant au crabe aux pinces d'or et à Tintin au pays de l'or noir, nous pensons les adapter pour la prochaine saison radiophonique 61-62. En attendant, je vous quitte en vous disant bonsoir à tous et à très bientôt. Encore un mot toutefois pour vous rappeler notre adresse, toutes vos lettres ou cartes doivent être envoyées à Tintin RTF, 107 rue de Grenelle, Paris 7e. Au revoir. La radiodiffusion télévision française présente... Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. L'affaire Tournesol, deuxième épisode. L'affaire Tournesol a donc débuté dans le château de Moulinsart par un orage d'une rare violence. Un orage qui, entre autres méfaits, a projeté le capitaine Haddock dans le lustre en cristal de son salon. Mais si le lustre a subi des dommages, le châtelain, lui, est indemne et il redescend de son perchoir avec l'aide de Tintin. Pourtant, au cours de cette soirée, plusieurs incidents se produisent qui paraissent inexplicables. Ce sont d'abord les vitres de la grande fenêtre du salon qui volent en éclats, puis un magnifique miroir florentin qui se brise, après qu'un vase de Chine soit tombé en morceaux sur la cheminée. L'exaspération du capitaine est à son comble, quand la foudre, frappant un poteau, coupe le courant électrique. Le château est plongé dans l'obscurité. Au moment où Haddock va demander une chandelle, des coups violents sont frappés contre la porte d'entrée. Nestor, très digne, apparaît alors un bougeoir à la main. Qu'est-ce que je fais, monsieur? Est-ce que... Enfin, dois-je ouvrir? Ouvrez, Nestor. Bien, monsieur. Oh! Oh! Ma bougie! Ah, pas trop tôt! Dites-en vous, piquez-vous, je vous interdis de... Oui! Eh bien, qu'y a-t-il, capitaine? Qu'y a-t-il? Curieuse rencontre, n'est-ce pas? Un peu brutal. Ah, la bonne heure! Revoilà la lumière! Oh, mille milliards de mille sabords, c'est une façon d'entrer chez les gens, ça? Et d'abord, que venez-vous faire ici? Ah, ça, c'est toute une histoire. Hein? Je vous ai fait mal? Oui. Ça passera. Ah, mais moi aussi, je dois avoir une bosse. Mais enfin... Ah, si, ça passera. Tenez, voyez, moi, j'y pense déjà plus. Et pourtant, quel coup de tête, hein? Un vrai bélier. Oui, je disais donc, c'est toute une histoire. Je passais en voiture quand, crac, mon pare-brise et toutes mes vitres volent en l'air. Hein? Eh oui, en l'air, pulvérisé. Et alors ça, sous quelle douche? D'ailleurs, ça continue. Alors, voyons où en étais-je. Ah oui, je me dis, Séraphin, c'est mon nom, Séraphin Lampion, des assurances Mondas. Enchanté. C'est votre fils, sans doute. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir, monsieur. Je me dis, Séraphin, mon petit, qu'est-ce que tu vas faire? À repenser. Alors, à ce moment, j'aperçois votre baraque. Ma baraque. Je me dis, c'est là que je vais m'abriter. Tenez, mon garçon, prenez donc cet imperméable. S'il vous plaît. Oui, prenez, Nestor. Bien, monsieur. Eh bien, puisque vous êtes là, entrez donc en attendant que la pluie cesse. Vous êtes un rigolo, vous. Ah, ça se voit tant que ça. Oh, mais dites donc, mais c'est pas mal chez vous. Les meubles sont un peu vieux. Hein. Ouais, ce sont des meubles de style. Oui, moi j'aime mieux le moderne. Enfin, chacun ses goûts. Comme disait... Tiens, un miroir brisé. Vous vous êtes disputé avec madame? Non, enfin, c'est la foudre, probablement. La foudre? Je parie que vous n'êtes pas assuré, hein. Gros malheur. Gros malheur. Eh ben, vous avez de la chance que Séraphin Lampion soit passé par ici. Une vraie bénédiction pour vous. Ah, ça? Je vais vous fignoler un amour de petit contrat. Je ne vous dis que ça. Trop aimable. Tiens, mais c'est du whisky que vous buvez là? Vous pouvez m'en verser un aussi? Oh, c'est pas que je trouve ça bon, mais alors j'ai une de ces soifs. Vous ne croyez pas que c'est de trop parler? Blagueur, va. Merci. Permettez que je tombe la veste? Ben, voyons. Oh! Dites donc, vos fauteuils sont potables de nuit. Ah oui. Ah, vous savez, moi je fais pas de manière, je suis un rigolo. Comme moi, quoi. Voilà, avec moi on s'ennuie jamais. La garantie sur facture. Toujours le mot, la saillie, le trait, le calembour. L'esprit, quoi. Voyez-vous ça? Ben ça, je tiens ça de mon oncle Anatole qui était coiffeur. Ah, si vous l'aviez connu, celui-là. Un blagueur comme on n'en fait plus. Toujours à raconter des histoires, à se taper sur les cuisses. Tiens, comme celle-là. Tenez, celle-là, elle est bonne. Ça se passe dans un train, hein. Alors, il y a... À votre santé. À la vôtre. Oh, tonnerre de Brest, mon verre. Mais l'énervement, capitaine, peut-être vous l'avez serré trop fort, mais non? Pas du tout, je vous assure. Oh, ça, c'est rigolo, hein. Ah, vous appelez ça rigolo, vous? C'est tout ce que vous trouvez à dire. Oh, si vous aviez eu votre tête quand le verre a éclaté. Jamais rien vu d'aussi tordant. Tiens, ça me rappelle l'histoire de l'oncle Anatole. Attendez que je m'en souvienne. Autriche. Oui, c'est ça. C'est un type qui entre dans un café et qui commande un verre de bière. Et au moment où il va boire, il se dit... Ah ben, vous avez vu ça, mon verre? Comme vous. Ah ben, alors ça, c'est inouï, hein. Moi, je trouve ça rigolo. Nestor! Voilà, monsieur! Je crois que l'orage a cessé, hein, je vais continuer ma route. C'est ça. Monsieur? Le vêtement de monsieur. Et puis, vous me nettoirez tout ça. Bien, monsieur. J'ai encore plusieurs clients à visiter, et d'ailleurs, j'ai assez perdu de temps ici. Hein. Salut! Merci, mon ami! Et voilà, je vais maintenant. Oh, à propos, dites donc, votre assurance contre la foudre. Inutile, monsieur Lampion, j'ai toutes les assurances possibles et imaginables. Ça m'étonnerait, au beurre noir. Oh. Tout, je vous dis, je suis assuré sur la vie, contre les accidents, contre la grêle, la pluie, les inondations, les raz-de-marée, les tornades. Sans blague, à tabac. Contre le choléra, la grippe et le coryza, contre les mites, les termites et les sauterelles. Tout, je vous dis. La seule qui me manque, c'est une assurance contre les casse-pieds. Sacré vieux farceur, ben. Alors c'est entendu, je vous enverrai une proposition du bois. Ou plutôt non, je la porterai moi-même. Ça nous donnera l'occasion de passer encore quelques bons moments ensemble. Mais c'est que je vous... Capitaine, allons, allons. Au revoir, monsieur. Allez, salut, barbu. Oh, tonnerre de Brest. Que le diable les emporte, lui, ses assurances et son oncle Anatole. Calmez-vous, capitaine, calmez-vous. Jamais vu un outil pareil, jamais. Et pourtant, j'en ai rencontré de tous les calibres. Essayez de l'oublier. Non, j'ai fatigué. Tâchons plutôt d'élucider le mystère de tout ce verre brisé. Vous savez, je trouve ça inquiétant, moi. Oui, vous avez raison. Oui, vous avez raison, Tintin. Mais je me demande... Des coups de feu. Mille chabords. Ça vient du parc. Allons-y, capitaine. Est-ce que par hasard, ce Séraphin... Oh, on va voir. Venez vite, venez. Thank you. Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati, Tintin, Jackie Ling, le capitaine Haddock, Henri Virlogeux, Nestor, Jacques Muller, Séraphin Lampion et Milou. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Bruitage et effets sonores, Joé Noël. Musique originale de Vincent Vial. Assistante de production, Josiane Clem. Réalisation, René Villemaître. Ah, maintenant quelques remerciements et toutes les amitiés de Tintin à transmettre à de nombreux jeunes amis. Laurent de Boulogne, Marcel Lofloc de Rostiviec, Finistère, Nicole Carpentier, bravo pour tes critiques Nicole, et entendu pour les dessins. Merci à Chantal Yorca, Patrick Aluniero de Nice, entendu Patrick, bravo Martine Houdin pour ton dessin, et toi qui nous demandais Objectif Lune et on a marché sur la Lune, tu es satisfaite maintenant. Qu'en penses-tu? Amitié à Daniel Borde, Jacques Mario, Annick Schepper, encore un peu de patience Annick s'il te plaît. Entendu l'appel de Jean-Pierre Rigoli, celui de Xavier Borneuf de Brest. Oui, Xavier, il est dans nos projets d'adapter les histoires dont tu nous parles, celle-ci et bien d'autres encore. Oui, Suzy Dubert, nous pensons à d'autres concours. Mais quel dommage que tu aies manqué celui de l'abominable homme des neiges. Entendu Guy Fermeau de Courbevoie, demande enregistrée. Mais pas question d'argent, Guy. Le dessin vous sera envoyé gratuitement. Il n'est jamais question d'argent entre Tintin et ses amis. D'accord, Jacques Tiange pour le dessin. Mais pourquoi, toi, nous avoir envoyé un timbre? C'était tout à fait inutile. Amitié de Tintin encore à Henri Verrier de Douarnenez, à ses parents, à son frère et à sa grand-mère. Oui, André et Daniel Fourtier, nous avons bien reçu vos dessins. Ils seront soumis au jury qui doit se réunir sous 15 jours. Réponse à Bernard Lioret qui nous conseille de faire voter nos auditeurs afin de savoir de façon certaine ce qu'ils préfèrent du dessin original d'Hergé ou de la photo. Je crois bien franchement que le vote est inutile. Vous avez pour ainsi dire tous opté pour le dessin original. Bien reçu ton dessin, Bernard, merci. Rassurons aussi les auditeurs dont les noms suivent. Daniel Glaise, Arnaud de Fontbrune, dont nous retenons les suggestions. Philippe Durocher, bravo Philippe, tu as eu raison de faire passer tes devoirs avant toute autre chose. Petite question à Claude Villette de Gennevilliers, pourquoi le Yeti ne s'enrhumerait-il pas? D'accord Aline Ferré de Côte-Bec-en-Caux, Claudie de Brest et ses parents, Patrick Pellegris, Anne-Marie Paoli, Agnès van der Platzen, bravo Agnès, François Palmussi de Boulogne. Entendu Alain Armand pour le dessin, mais oui, j'espère que les cigares du Pharaon vous seront offerts. Nommons encore Geneviève Launay, Bernard Lugaz, merci Bernard, Pierre Calvérac, Joël Morvan, Nicole Pfeffer, avec laquelle nous ne sommes pas tout à fait d'accord à propos de la musique. Oui, Nicole, je crois que tes calculs sont un peu fantaisistes, veux-tu que nous fassions le pari? J'attends ta réponse. Des tas de bonnes choses de la part de Tintin encore à transmettre à Alain Corsi, Michel Pain, Marie-Madeleine Hoquet, Françoise Berge, merci Françoise, Gilles Pécriot, Marie-France Amrère de Nice, si jolie en costume de chinoise, mais le chapeau est niçois, n'est-ce pas Marie-France? Merci Jean-Pierre Marx, mais pourquoi un timbre, il va rester dans nos dossiers. Les conseils d'Étienne Isambert ont été transmis à Tintin, qui nous prie de remercier son jeune ami, et amitié de toute l'équipe à toute la famille Isambert. Bien sûr, Pascal Tassi, nous avons l'intention de faire des disques, nous vous en parlerons en temps utile. Ces disques seront faits d'après le feuilleton de la RTF, qui semble recueillir tous vos suffrages. Enfin, nous terminerons en accusant réception de la très gentille lettre de trois jeunes auditeurs de Gif-sur-Yvette, Hélène, Anne-Marie et François. Nous retenons évidemment leur demande de trois dessins. L'heure de nous quitter est arrivée. Bonsoir à tous et à bientôt sans doute. La radiodiffusion Télévision Française présente Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. L'affaire Tournesol, troisième épisode. Dès le début, on l'a vu, cette nouvelle histoire s'annonçait riche en événements dramatiques et comiques. Ça a d'abord été l'orage, puis la présence dans le parc de Moulinsart de deux mystérieux personnages, l'un surveillant l'autre. Ensuite, ces appels téléphoniques d'une correspondante inconnue s'obstinant à appeler la boucherie sans eau. C'est d'ailleurs au cours d'une de ces conversations que notre capitaine a été projeté par la foudre dans son lustre de cristal. Pas de bobo, heureusement, sauf pour le lustre. La foudre, mais est-ce bien elle? La foudre a d'autres fantaisies ce soir. Elle s'attaque spécialement à tout ce qui est verre ou porcelaine. Vitres, miroirs, verre à boire, vases, etc. Curieux, n'est-ce pas? À peine remis de ses émotions, nos amis doivent subir la présence d'un inconnu. Séraphin Lampion, courtier en assurance, qui fait irruption au château pour s'y abriter. Ce Séraphin n'est pas un méchant garçon, mais il n'a aucune éducation, débite des sornettes, fait des calembours, parle tout le temps, gaffe sans arrêt. C'est ce qu'on pourrait appeler vulgairement un pot de colle. Fort heureusement, la pluie ayant cessé, il part. Haddock, Tintin et Milou soupirent. C'est alors que trois coups de feu claquent dans le parc. Tintin bondit vers la porte qui donne sur le perron. Hé, hey, regardez! Quelqu'un dans l'allée d'honneur! Mais on dirait... Non. C'est notre ami Tournesol qui revient de son laboratoire. Il a dû attendre que la pluie cesse. Oui. Bonsoir, mes amis. Quel temps, hein? Oh là là, et ces éclairs! Vous avez vu ces éclairs? Oh, nous avons vu tout ça, professeur, et bien d'autres choses. Mais ces coups de feu à l'instant, vous les avez entendus? Non, mais c'est fini maintenant. Il ne pleut plus. Je ne vous parle pas de la pluie. Je vous demande... Oh, professeur, votre chapeau, vous permettez? Qu'est-ce que vous faites? Mais regardez, capitaine. Une balle a traversé son chapeau de part en part. Tonnerre de Brest, vous avez raison. Oh! Mon chapeau! Voyez là! Un trou! Et là un autre! Au présemple! On a tiré sur vous, professeur. C'est ça, tout à l'heure. En attendant, vous me croirez si vous voulez, mais autrefois, les mythes faisaient des trous moins grands. Mais beaucoup moins grands, je veux dire. Ah, j'y comprends rien. Tonnerre, il ne s'en rend même pas compte qu'il a servi de cible. Capitaine, il faut faire une ronde dans le parc, tout de suite. D'accord. Juste le temps de prendre des lampes torches et je suis à vous. Ouais, lui qui aspirait au calme, j'ai l'impression qu'il va être servi, notre capitaine. Une minute plus tard, nos trois amis fouillent le parc méthodiquement. Flairer une piste. Là, derrière ces buissons. Suivons-le, vite. Oh, regardez. Mais le chabot, un corps allongé dans l'herbe. Tais-toi, Milou, tais-toi. Alors, tais-toi. Est-ce qu'il est... Attendez. Non, il vit. Il vit. Son cœur bat faiblement, mais il bat. Et il faut prévenir la gendarmerie. Ça va, restez ici, je m'en charge. Entendu, capitaine, mais faites vite, hein. Bon sang, quelle soirée. Pas moyen d'être tranquille. Ah, on me la copiera. L'orage, le Séraphin, et maintenant un attentat. Ah, monsieur, quelle histoire, si vous saviez. Eh bien, qu'y a-t-il encore, Nestor? Oh, monsieur, c'est affreux, le beau lustre de Venise au premier étage. Eh bien. En mille miettes, monsieur. Bon, ben, tant pis, nous occuperons de ça plus tard. Oh, mais monsieur... Monsieur, enfin voyons, le lustre. Plus tard, Nestor, plus tard. Pour l'instant, j'ai autre chose à faire. Oh. Allô, la gendarmerie? Ici, le château de Moulinsart. Comment? C'est la boucherie sans eau? Oh, mais chabord, excusez-moi, monsieur, c'est une erreur. Ma parole, on dirait qu'il n'y a que la boucherie sans eau comme abonné. Oh, il me semblait pourtant bien que... Non. Voyons l'annuaire. Pas de doute. Gendarmerie, c'est bien 413. Oh, quel engeance. Allô? Comment? Non, madame, ce n'est pas la boucherie sans eau. Non, madame. Zut, madame. Allô? Ici gendarmerie de Moulinsart. Ici le capitaine Haddock. Qui ça? Haddock. Ah oui, le capitaine. On vient de tirer des coups de feu dans mon parc. Des coups de feu? Oui, il y a un blessé. Un blessé bien touché, rien, nous arrivons immédiatement. Je vous attends. A tout de suite, capitaine. Brigadier. Mon lieutenant. Prenez un homme et allez faire un tour au château de Moulinsart. Il s'y passe des choses bizarres. Bien, mon lieutenant. Ils arrivent. Mais monsieur, il y a aussi le vase phénicien, et puis... Phénicien? Plus tard, Nestor, plus tard. Ah, bien, monsieur, bien, je croyais bien faire, monsieur. Ah, capitaine! Eh bien quoi, vous revenez? Oui. Je vais chercher de l'eau, le blessé a réclamé à boire. Bon, bah vous savez où c'est. Je vous attends. Faites vite. D'accord. Le temps d'aller quérir une carafe d'eau, de redescendre en quatrième vitesse, et nos trois amis retournent vers le mystérieux blessé qu'ils ont laissé derrière les bosquets bordant l'allée centrale. Oui, il parle avec un fort accent étranger, il a l'air assez gravement atteint. Tonnerre de Brest. Hein, voilà, nous y sommes presque. Vous allez voir vous-même, il est derrière ce buisson. Oh, par exemple! Le blessé n'est plus là. Mais qu'est-ce que vous me chantez là, Tintin? Mais disparu, envolé, voyez-vous même. Ben voyons, êtes-vous certain que c'est ici qu'il est? Absolument certain, on voit assez clair avec la lampe torche. Tenez, regardez, l'herbe est toute aplatie, là. Ben, c'est vrai, mille sabots. Mais alors? Milou! Par là, vite! Oh, tiens bon, Milou, nous arrivons! Oh! Ça alors, mille millions de mille sabots! Mais ce n'est pas notre blessé! Bien qu'on en voit que la face postérieure, cette silhouette me dit quelque chose. Mais il me semble aussi que... Allons! Sortez de là et mettez-vous debout! Sortez de là tout de suite ou je tire, compris? Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Hilling, le capitaine Haddock, Jacques Dufilo Tournesol, Jacques Muller, Séraphin Lampion, Henri Virelogeux, Nestor, Gaëtan Jor, le brigadier, Michel Masson, le lieutenant, et Milou. Chef opérateur du son, Jean Jusfort, bruitage et effet sonore, Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante de production, Josiane Clem, réalisation, René Villemet. Un amical bonsoir de Tintin et de toute l'équipe aux auditeurs de notre feuilleton. J'ouvre tout de suite notre boîte à courrier pour répondre aux questions qui nous arrivent chaque jour. Non, Xavier Pirovano, le crabe aux pinces d'or n'a pas encore été diffusé. Mais il ne faut pas désespérer, la RTF a des projets, et nous aussi. D'accord, Jean-Pierre Pleury de Saint-Cyr-sur-Loire, demande enregistré. Un grand merci de la part de Maurice Sarfati à Madame Filloux qui prie notre aimable auditrice, Michel et son papa, d'accepter ce qu'ils vont recevoir. Et à quoi nous joignons toutes les amitiés de l'équipe. Bravo Gilbert Langlois. Les expressions des personnages d'Hergé sont très bien reproduites. Réponse à ta question, Wolf doit être d'origine Sildavo-Bordure ou quelque chose comme ça, ce qui explique son accent d'Europe centre-est. Et une bise à Catherine. Un grand bonjour de Tintin à Bernard Lioré et à sa sœur. Personnellement, Bernard, je trouve que ton écriture est très lisible. Il y a très peu de fautes dans ta lettre, entendu pour le dessin d'Hergé. Nous promettons une réponse écrite à Alain Bichet pour cette semaine. Merci Pierre Thomas, mais difficile de répondre à tes vœux. Nous avons déjà maintes fois abordé ce problème. Alain Gerson, merci aussi pour le très joli paysage japonais que tu as dessiné à l'intention de Tintin. Le jury du concours de l'abominable homme des neiges doit se réunir sous 15 jours. Patience. Lettre pour Micheline Imbert cette semaine, c'est promis, ainsi qu'à Madame Batia de Montgeron, dont nous aimerions pourtant connaître l'adresse complète. Un amical bonjour de Tintin à François Caroff de Levallois. Demande de Hugues de Saint-Angèle, enregistré, et merci Hugues. Entendu l'appel de François Fischer de Bagneux, merci aussi. Amitié à Jean-Luc et François Bugnot, bravo François. À Yves Bernard, à Mireille Calvo, Jean-Pierre de Cambeau de Mantes-la-Jolie. Non, Serge de l'avenue Loménil, le dessin d'Hergé ne sera pas payant, comme tu dis. Nous vous l'enverrons gratuitement. Par contre, nous ne pouvons t'envoyer des timbres, mais je te rappelle qu'un jeune auditeur de Tahiti nous a demandé l'autre jour des correspondants de la grande famille des philatélistes. Si ça t'intéresse, dis-le nous, nous t'enverrons l'adresse de ce lointain ami de Tintin. Bien sûr, nous sommes d'accord avec toute la famille Maffa de Vanves à propos du suspense. Demande de Raymond, Daniel et Claude enregistrée. Celle de Jean-Marie Falquet également, et bravo pour la lettre à la machine, mais elle aurait pu ne pas arriver à cause de l'absence d'affranchissement, attention. Et nous refermerons ce soir notre boîte à courrier avec la lettre d'Yves d'Orange de Fontenay-le-Fleury. C'est promis Yves, tu es inscrit sur notre longue liste pour le dessin. Mais elle leur vient de sonner, nous vous laissons en famille. À très bientôt, merci encore à tous et bonsoir. La radiodiffusion Télévision Française présente... Les aventures de Tintin, d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, réalisé par René Villemet. L'affaire Tournesol, quatrième épisode. Après-midi et soirée mouvementée au château de Moulinsart. silhouettes inquiétantes entrevues dans le parc, mystérieux coups de téléphone, arrivée impromptue d'un raseur nommé Séraphin Lampion. Orage terrible dont le capitaine a failli être la victime. Puis un autre mystère. Les uns après les autres, les objets de verre se brisent comme sous l'effet d'un rayon invisible. Les vitres, les miroirs, le lustre de Venise du premier étage, le vase phénicien, un vase de Chine, tout cela tombe en miettes. Enfin, et c'est beaucoup plus grave, trois coups de feu claquent dans le parc. Presque aussitôt, Tournesol rentre au château, coiffé de son célèbre petit chapeau rond, qu'une balle a traversé. Peu après, Milou conduit Tintin et Haddock derrière un fourré. Là, ils découvrent un blessé inconnu qui, avec un fort accent étranger, demande à boire. Le temps de faire un bond au château, de téléphoner à la gendarmerie et de revenir, le blessé a disparu. Le mystère s'épaissit donc. Mais Milou, qui est toujours un chien de devoir, relève une autre piste. Et tout à coup, qui est-ce qui apparaît dans le faisceau de la lampe tenue par Tintin ? Séraphin Lampion ? Allons, sortez, je vous dis, plus vite que ça. Debout, je tire. Non, grâce ! Pitié, ne me tuez pas. Je n'ai jamais fait de mal à personne, ça, je vous assure. Encore ? Mais vous pensez votre vie à assurer ? Oh, ben ça, je le sais, tonnerre de Brest. Mais dites-nous plutôt ce que vous faites là. Moi, mais je me cachais. Vous vous cachiez, et pourquoi ? Allons, ne tremblez pas comme ça, expliquez-vous. Voilà, on a essayé de m'assassiner. Hein ? Je me dirigeais vers mon auto en sortant de chez vous, lorsque tout à coup, pan, pan, pan ! Alors, je me suis dit, Séraphin, on en veut à ta vie. Vous vous êtes assuré, je pense. Ah, allons, allons, capitaine. Ah, une voiture, tiens, sûrement les gendarmes. Allons à leur rencontre. Allez, voilà, d'ailleurs. C'est vous qui avez téléphoné ? Oui, brigadier. Bon, l'ambulance et les médecins vont arriver. Et où se trouve la victime ? C'est moi, monsieur le gendarme. Hein? Je suis Séraphin Lampion, des assurances mandats. Vous êtes blessé ? Moi, non. Ah, vous avez pourtant déclaré au téléphone qu'il y avait un blessé. En effet, il y en avait un, mais il a disparu. Alors, vous, là, pourquoi prétendez-vous être la victime ? Parce que j'ai été victime d'un attentat, monsieur le gendarme. On a tiré sur moi, alors je me suis dit, Séraphin, on... Ce n'est pas sur lui qu'on a tiré, brigadier. Qu'en savez-vous ? Rien. Enfin, je suppose que les balles ont sifflé autour de lui. Il y en a même une qui a transpercé le chapeau de Tournesol. Le chapeau de Tournesol. Ah, voyez-vous ça. Et qui est-ce, Tournesol ? Tournesol ? C'est mon ami. Il est rentré au chapeau avec une balle dans son château. Le contraire. Tiens. Oui, alors Tintin m'a dit... Tintin. Qui est-ce ? Mais mon ami aussi. Tintin, c'est lui, parbleu, là. Au tonnerre, il a disparu lui aussi. Où est-il passé ? Vous êtes sûr de bien aller ? Mais très bien, brigadier. Tintin et le jeune homme en tricot bleu qui étaient là quand vous êtes arrivé. Ah oui ? Oh, Haddock, soyons calmes, restons calmes et tout paraîtra plus clair. Je le souhaite pour vous. Pour moi ? Pourquoi pour moi ? Qu'est-ce que ça veut dire, Mille Sabords ? Ça se gâte par ici. Rejoignons donc le jeune ami du capitaine. Il ne doit pas être loin. Ah, tenez. Le faisceau d'une lampe derrière ce gros arbre. Allez, allez, cherche, Milou. Cherche, mon chien, cherche. Ah, bravo, Milou, bravo. Un trou dans la haie. Eh oui, c'est par là que le blessé a disparu. Aucun doute, tiens, regarde. L'herbe a été foulée depuis peu. Eh bien, à quatre pattes, et voyons ce qui se passe derrière. Oh, zut ! La route ! Eh oui, pardi, tu as perdu la trace, hein, mon chien ? Oui. Eh, je comprends. Des traces de pneus toutes fraîches, une auto l'attendait ici. Allez, inutile d'assister, Milou, allons rejoindre les autres. Oh, ce que c'est désagréable, ces feuillages qui s'égouttent dans le cou. Un curieux, tout de même. Il paraissait sérieusement blessé, il a réussi à regagner la route, et puis que venaient faire ces inconnus à Moulinsart, hein ? Qu'est-ce qui les a attirés ici ? Ah, ces faits sont vraiment étranges. Oui, je consignerai tout ça dans mon rapport. Pour l'instant, on y voit goutte, mais faites-nous confiance. Et ce verre s'est brisé tout seul, vous disiez. Tout seul, brigadier. Et alors, n'est-ce pas, je... D'où sortez-vous, Tintin ? Oh, Milou avait flairé une piste, mais ça n'a rien donné. Dommage. Oui, je crois qu'il vaut mieux rentrer au château, on s'expliquera mieux là-bas. Vous avez raison, mais cette affaire me paraît assez embrouillée. Je vais faire mon rapport. Alors, à plus tard, messieurs. Bonne nuit. Les gendarmes s'en vont, Séraphin Lampion aussi. Haddock, Tintin et Milou rentrent au château. Il est déjà très tard et chacun va se coucher en remettant au lendemain la solution de tous les problèmes. Nuit calme, reposante. Mais nos amis ne sont pas éveillés les premiers. C'est d'abord un rouge-gorge qui salue gaiement l'apparition du soleil. Un autre chant, peut-être moins harmonieux, lui répondra du château, un peu plus tard. Allez, un brin de toilette, rien de tel pour réveiller un homme. Allons-y, les dents. Oh, oh, oh, oh, bonheur, oh, oh, oh, ah, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Je crois d'abord qu'il faut que vous vous rinciez la bouche. Hein? Oui. Attendez une seconde. Là, je vais prendre un verre d'eau. Mais tais-toi, Milou, tais-toi. Ça suffit, Milou, allons. Tenez, capitaine. Tenez, voilà. Ça, alors. Nous sommes ensorcelés. Oh, voyons, capitaine, enfin, allons. Enfin, vous avez vu ce verre? Au moment où je le prenais, crac, en morceaux, comme le reste. Non, nous sommes ensorcelés, je vous dis. Et tout ça, ça finira mal. Oui, tout ça est bizarre, inquiétant même. Et en parlant de sorcellerie, le capitaine n'est peut-être pas si loin de la vérité. Une heure plus tard, nous le retrouvons dans la salle à manger, en compagnie de Tintin. Tous deux sont attablés devant leur petit déjeuner. La fenêtre est grande ouverte sur un parc plein d'oiseaux. Ouais, ça, j'avoue que je n'y comprends rien. Ça y est, ça recommence. Toutes ces histoires finissent par me taper sur les nerfs. Oh, je comprends ça, oui. Tais-toi, Milou, mais tais-toi. Ah, il fait un duo avec mon chat, sans penser à se battre. Ça aussi, c'est étonnant. Oh, depuis hier au soir, tout est étrange. Oh là, mais c'est certainement un accident. Oh oui, c'est le camion du laitier arrêté devant la grille. Venez, capitaine, venez. Allez, Milou, va, va. Pas moyen de déjeuner tranquille. Et voilà nos trois amis fonçant vers la grille du parc. Effectivement, un camion de la compagnie laitière Lactas est arrêté juste devant. Mille sabords! Mais que vous est-il arrivé? Toutes mes bouteilles de lait brisées, toute la livraison perdue, c'est affreux! Chic! Mais comment est-ce arrivé? Mais c'est incompréhensible, inimaginable! Alors, expliquez-vous! Mais je vais devenir fou! Ah, eh oui, eh bien, devenez fou après, mais racontez d'abord! Eh bien, voilà! Les aventures de Tintin d'après Hergé. Un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Ling, le capitaine Haddock, Jacques Muller, Séraphin Lampion, Gaëtan Jor, le brigadier, Jacques Aveline, le laitier, avec Milou. Chef opérateur du son, Jean Jusforg, bruitage et effet sonore, Joël Noël. Musique originale de Vincent Vial, assistante de production Josiane Clem. Réalisation René Villemet. Bonsoir à tous les amis du feuilleton de Tintin RTF. À l'attention de qui nous ouvrons notre boîte à courrier. Pour nous étonner d'abord devant l'envoi de Chantal Gourvès de Meudon. Eh oui, cette jeune auditrice nous envoie un dessin, très bien exécuté d'ailleurs, et représentant Tintin et Milou au Tibet. Les couleurs en sont très jolies, et cette planche ira grossir la collection de Tintin. Mais petite Chantal de Meudon, nous ne comprenons pas très bien que tu envoies cette œuvre pour le concours Tintin RTF. En effet, notre concours s'est terminé pour la France métropolitaine le 15 novembre 1960. En outre, le sujet de ce concours cour était le portrait de l'abominable homme des neiges, tel que vous vous l'imaginiez. Donc, Chantal, nous sommes désolés, mais ton très joli dessin ne traite pas le sujet et de toute façon arrive avec 2 mois et demi de retard. Cependant, ce dessin, nous le gardons précieusement. La prochaine fois, note bien la date et le sujet de notre concours, s'il te plaît. Et maintenant, saluons la venue parmi nos auditeurs du jeune Rémi Souris, d'ici les Moulineaux. Bienvenue, Rémi. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. Tu nous dis être un nouvel auditeur et, 2 lignes plus loin, tu écris « Cela fait 9, 10 ou 11 mois que j'écoute votre émission, car elle est très intéressante. » C'est pas tout à fait un nouvel auditeur. Éclaire notre lanterne, Rémi, s'il te plaît. Mais de toute façon, merci de nous avoir écrit et bravo pour le zèle que tu mets à l'étude de tes leçons. Encore un mot pour annoncer à tous que le jury du concours de l'abominable homme des neiges va se réunir très bientôt pour sélectionner quelques dizaines de dessins parmi le bon millier que nous avons reçu. Patience encore un peu et espoir. Sur ce, Tintin vous adresse toutes ses amitiés de Moulinsart, ainsi que le capitaine et Milou. À très bientôt tous. Bonsoir. Ces épisodes, les 1er, 2e, 3e et 4e, ont été diffusés pour la première fois sur France 2 Régionale les 4, 7, 9 et 11 mars 1961. À suivre, et d'ici là, à réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».